La situation d'Ibn Baz et son statut. Cheikh Abdelrahman Ibn Talar al-Makhlef. Ceci est un exposé de la croyance du Cheikh de la secte pseudo-salafi et une réponse à ceux qui s'abstiennent de l'excommunier. Question. Certains disent qu'Ibn Baz ignorait la réalité et la situation de l'État saoudien, car il a été trompé, et donc ils n'ont pas la certitude qu'il savait vraiment ce qui se passait dans cet État. De ce fait, ses frères ne veulent pas le juger en se basant sur une suspicion. Ils veulent le juger qu'en ayant la certitude de sa situation. Réponse du Cheikh. Concernant le jugement d'Ibn Baz, cela dépend de la situation des gens. Il y a celui qui est loin et qui ne peut connaître sa situation, ou alors que certaines choses lui soient dissimulées le concernant. De ce fait, nous ne pouvons pas le rendre mécréant à cause qu'il n'a pas la connaissance parfaite de sa situation. Mais nous devons lui expliquer. Et s'il n'a pas reçu d'explication, nous ne pouvons pas faire son tekfir. Toutefois, il nous incombe de bien lui exposer son cas. Beaucoup de gens qui vivent dans certaines contrées, et plus particulièrement en Europe, ignorent la situation d'Ibn Baz. Ou alors, ils savent certaines choses et ignorent d'autres. Ce qui fait qu'ils ne peuvent se prononcer sur son jugement. Par contre, celui qui connaît sa situation et le jugement légal qui en découle, il ne lui est pas permis de s'abstenir de sa mécréance. Et donc, nous l'avons déjà rappelé, Ibn Baz était au courant de tout. Concernant le fait que cet État, l'Arabie Saoudite, juge par la loi du Tarout, ce n'est pas quelque chose de nouveau, car il juge avec le Tarout depuis plusieurs années, depuis plus de 60 ans. Et le mufti Mohammed Ben Brahim, qui était le professeur d'Ibn Baz, envoya des fatwas aux dirigeants de cet État concernant la mécréance des lois humaines dans divers règlements, comme le code de la banque, l'ordonnance de l'armée et le règlement de la chambre des commerces, etc. Pour les fatwas de Ben Brahim al-Shir, voir Majmoua Fatawa de Mohammed Ben Brahim, volume 12, numéro 250 à 256. Donc, comme le code de la banque, l'ordonnance de l'armée, le règlement de la chambre de commerce, etc. Et chacun de ces règlements possède un tribunal pour y juger. À titre d'exemple, le riba, l'intérêt usuraire, est interdit à la base. Alors comment faire pour y juger? Il juge le riba par les lois humaines. Lorsqu'une personne est en conflit avec une banque, il ne lui est pas permis de se diriger vers un tribunal islamique, car il sait que le riba ne peut être jugé dans les tribunaux légaux. Et donc, ils ont rendu licite le fait de se rendre vers le tribunal des banques. Ibn Baz savait tout ça. Il était au courant de la présence des tribunaux des banques, du tribunal de commerce et de l'industrie. Et il a reçu et lu des messages de rappel pour le conseiller de la part de 150 chiites. Il y était mentionné toutes les choses par lesquelles on juge par autre que la loi d'Allah, et que cet État contredit la loi d'Allah dans beaucoup de domaines. Ibn Baz les a lus et au début, il les a montrés au gouvernement. Mais lorsqu'ils se sont retournés contre lui, il a fait un revirement sur sa parole et il a réfuté les auteurs et a dénigré leurs conseils. Voilà en ce qui concerne cette affaire. Concernant l'affaire suivante, Ibn Baz savait aussi avec certitude la situation des États qui jugent avec les lois forgées, comme le Koweït, les pays du Golfe, l'Égypte et d'autres parmi ces États. Il savait qu'il jugeait avec ces lois. Malgré cela, il n'a pas excommunié ses dirigeants. Cela l'a donc mené à considérer que ses dirigeants sont les détenteurs de l'autorité. Et de ce fait, il est obligatoire de les écouter, de leur obéir, eux et leurs lois. Puisqu'ils ne sortent pas de leurs lois. Ils le disent eux-mêmes dans leur constitution, qu'ils ne jugent qu'avec les lois forgées, jusqu'à même mettre comme condition de suivre ce qanoun. Et malgré cela, Ibn Baz les considéra comme les détenteurs du pouvoir, qu'on doit obéir et qu'il est interdit de se révolter contre eux. Plus tard, il déclara même que ceux qui sortent contre eux sont des khawarij. Alors il connaissait la cause pour laquelle il voulait sortir contre eux. Il savait que c'était parce qu'il jugeait avec les lois humaines. Lui-même le répétait, que ces lois sont fausses et qu'elles sont de la mécréance, que ça soit de la grande ou de la petite mécréance. En outre, il les a aidés contre les monothéistes, par sa langue, et considéra les monothéistes comme des khawarij, qu'il faut obligatoirement désavouer. Et il considéra les tawarites comme les détenteurs de l'autorité. dont l'obéissance est obligatoire et qu'il est interdit de se rebeller contre eux. La question sur le fait qu'Ibn Baz n'était pas au courant est totalement fausse. Il savait tout avec certitude. Nous-mêmes, nous étions jeunes, sommes allés chez Ibn Baz et nous avons discuté avec lui sur le kufr, sur le tekfir de ses dirigeants, Al-Sa'ud. Il nous a dit « Sortez, sortez, khawarij, khawarij ». Et en dehors de nous, beaucoup l'ont rencontré et lui ont expliqué. Il a même eu une rencontre avec Safar al-Hawali et Salman al-Aouda et d'autres mashayikh. Ils lui ont expliqué la réalité de ce qui se passe dans cet état. Mais ensuite, il s'est retourné contre eux et il a émis des fatwas pour les faire arrêter. La situation ici est très claire. Il savait qu'il y avait des banques usuraires et que ces banques possèdent des lois, des qawanin, des intérêts, etc. Mais il n'a pas voulu faire le tekfir de ces états, car il savait ce qu'impliquait de faire leur tekfir. Un jour, il fut interrogé sur le président d'Égypte. Il dit « Ce président juge avec le tarout et emprisonne les jeunes pour leur religion. Il est certes tombé dans la mécréance, mais je me désavoue de faire son tekfir. » Subhanallah. Ibn Abbas dit « Ce que je pense des gouverneurs d'Égypte et d'ailleurs, je pense qu'il y a en eux le mauvais et la mécréance. Mais l'homme doit faire attention à ne pas taxer de mécréant qui que ce soit tant qu'il n'a pas rendu cela licite. Et nous demandons à Allah de nous protéger, voir le débat avec Salman al-Aouda. » Donc Ibn Baz n'ignorait pas la situation de l'état des Al-Saoud, des pays du Golfe et des autres états. Mais certains frères s'innocentent de faire son tekfir, par peur de faire le tekfir des musulmans. Alors qu'ici l'affaire est claire. Il était dans les rangs des mécréants et non dans les rangs des monothéistes. Il s'est mis du côté des mécréants. Il a combattu pour eux, par sa langue, ses fatawas. Il s'est mis de leur côté. Cela rentre dans la parole d'Allah lorsqu'il dit « Les croyants combattent dans le sentier d'Allah et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. » Sourate 4, verset 76. Et ces jeunes dont il a diffamé, qu'il a fait emprisonner, qu'il a fait exécuter, ils savaient très bien qu'ils ont commis cela pour combattre les Tawarites. Et ils savaient la raison pour laquelle ils voulaient combattre ces Tawarites. Ils savaient que ces jeunes faisaient le tekfir de ces Tawarites, parce qu'ils ne jugeaient pas avec la loi d'Allah. Ils savaient qu'ils ne faisaient pas leur tekfir à cause des grands péchés, Al-Kaba'ir, mais bien parce qu'ils jugeaient avec l'Otarut. Et il a décrété de les faire emprisonner pour avoir fait le désaveu et le tekfir du Tarout. Alors qu'il savait pourtant qu'Allah nous a ordonné de combattre le Tarout. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, fitna, et que la religion soit entièrement Allah. Sourate 8, verset 39. Il connaissait ce verset et l'obligation de combattre les Tawarites. Malgré cela, il s'est mis dans leur rang. Il les a défendus. Il a dénigré les monothéistes et il les a même rendus mécréants en disant qu'ils ne croient pas en Allah et au jour dernier. Par contre, pour lui, les Tawarites croient en Allah et au jour dernier. Et de ce fait, il est obligatoire de leur prêter serment d'allégeance, al-bay'a, et de rentrer dans leur obéissance, ainsi que de se soumettre à eux. Alors qu'il savait qu'ils ne jugeaient pas avec la loi d'Allah, il savait que les pays du Golfe et les autres ne jugent pas non plus avec la loi d'Allah, mais qu'ils jugent avec le Tarout. Cependant, il rendit obligatoire de leur faire le pacte, le Bay'a. Il rendit obligatoire de s'allier à eux et il interdit de sortir contre eux. Par conséquent, cela est la plus grande forme d'alliance qui expulse de l'islam. L'imam al-Nawawi dit, Al-Qadi ibn Iyad a dit, les savants de l'islam sont unanimes pour dire que l'autorité ne peut être confiée à un mécréant, et que s'il devenait mécréant, alors il faudra qu'il s'écarte. Sharh Sahih Muslim 12229. Et il dit également, Al-Qadi ibn Iyad, donc, s'il, le gouverneur, est pris par la mécréance et change la sharia, ou bien invente une innovation, il sort du pouvoir et l'obéissance envers lui est rendue nulle. Et il est obligatoire aux musulmans d'appliquer cela, de l'évincer et de le remplacer par un gouverneur juste s'ils ont la capacité de le faire. Et lorsque cela ne peut se produire, excepté par le biais d'un groupe de gens, il est obligatoire pour eux d'appliquer cela en délogeant le mécréant. Et cela n'est pas obligatoire concernant un innovateur, sauf s'ils pensent qu'ils ont la capacité de le faire. Ibn Abbas dit, il ne fait aucun doute que ce genre d'acte n'est commis que par quelqu'un qui ne croit pas en Allah et au jour dernier. Le Cheikh Abdel Qader Ibn Abdelaziz les considère aussi comme des mécréants lorsqu'il dit, ce que nous voyons à notre époque chez ces gouverneurs apostats dans tous ces pays, ce sont ces chiites employés par ces dirigeants, surnommés par des titres tels que « éminence » et « honorable chiite », qui sont chargés de manipuler la populace afin d'aider ces dirigeants à propager leurs mensonges. Il n'y a aucun doute sur la mécréance et l'apostasie de ces chiites-là. Car Allah a dit « Celui d'entre vous qui les prend pour alliés est un des leurs ». Et pour avoir été satisfait de leur mécréance, et pour ne pas avoir jugé mécréants ces dirigeants mécréants, dont la mécréance est prouvée par les preuves. Abdullah ibn al-Mubarak a dit, « Qui corrompt la religion, si ce n'est les rois et les savants du mal et ceux qui les suivent ?»